C'est les images que vous voyez là. Donc, c'est ce morceau que nous avons récupéré, donc avec une inscription démontage en français. Et je tiens à préciser également un numéro de série. Vous avez ici des images d'une preuve irréfutable d'une bombe et de l'utilisation d'une bombe française sur une attaque chimique. Je dis bien que la cible était chimique, non pas la bombe en elle-même, mais les effets, vous avez compris, hein, sont du même ordre. Et si vous voulez, au moment du coup où j'ai présenté toutes ces preuves, le soir même de cette conférence de presse qui a eu lieu, excusez-moi, je n'ai plus exactement la date, mais fin août, début septembre, le soir même, sur les canaux Telegram ukrainiens, donc des militaires ukrainiens et le SBU ont proposé de l'argent pour me tuer et ont proposé le double pour me tuer en Russie. Afrique Média, le monde, c'est nous.